Oh, c'est chiant ce métronome là. C'est quand même sympa de glander. Ça faisait longtemps que j'avais pas glandé comme ça là. Putain, rester tranquille et être payé en plus. Who has the melody? I don't hear melody. I don't hear music. Nobody play. Mr. Alfred. Ah oui, Alfred, c'est pas mal. Alors, toi, t'es un personnage particulier aussi. Il y a quand même certains personnages sur Nimbot qui sont assez particuliers, comme moi, bien sûr. Mais enfin, il y en a d'autres, hein, putain. Toi, Alfred, par exemple, t'es particulier, toi. Toi, tu fais de la musique que j'arrive à mal à cerner. Une espèce de musique aléatoire. Bon, les Américains, bon, ils sont. Ouais, eux, c'est. Ils sont cool. Les trois, là. Ah. Ouais, mais. I have a problem with my sound card. I don't understand. Ah, ok. It's a two-channel sound card. And when I use my mic, I can't use cable. I try. Hein, tu vois? What's the problem? Ouais, je comprends pas ce carton. With this sound card, I don't understand the configuration. But I must. I use. If you have the camera, not me. Fuck. I'm sorry. Je monte mon cul. Please. Do you see my camera? Not never. Be careful because I use camera. You understand? Si tu veux pas qu'il te voit en pyjama, il faut pas passer dans la caméra. Parce que là, on est en mode glandeur, là, tu sais. RSA, USA. Not never, please. Do you see my webcam? Do you see me? I buy a sound card. There is a problem of latency. Connect this, but I use un deux, check.